Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. Dans 6.3, la jungle des luttes, donc vous êtes sur FPP, programme de la jungle des luttes, proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Nous sommes en direct tous les troisièmes lundis du mois de 19h à 20h30 et retransmis le quatrième jeudi de 8h à 9h30 du matin, donc quatrième jeudi le matin. Là, on va vous passer des petites annonces. Donc pour ceux qui seront en rediffusion, ça ne va pas marcher parce qu'on a un petit programme chargé là, cette semaine. Donc juste, je vous le dis tout de suite avant qu'on commence, comme ça, ça vous permet de noter. Mercredi 23 novembre, donc mercredi prochain à 19h au CICP 21 Terre rue Voltaire, il y a une projection avec le réalisateur autochtone, Tseltal Etzotzil, qui s'appelle donc Néstor Jiménez Díaz, qui donc va nous présenter des films qui sont en lien avec le Chiapas, le Mexique. Et donc, on vous invite à venir profiter de cet événement. Donc, 19h mercredi au CICP 21 Terre Voltaire dans le 11e. Le lendemain, à la même adresse, donc jeudi, à la même adresse, à la même heure, il y aura la présentation d'un film, d'un livre, « Nous sans l'État », qui sera présenté physiquement par Jules Falquet, qui en a fait la préface, et l'autrice, une indigène Miché du Mexique, qui sera elle en visio. C'est l'avantage maintenant de ces systèmes où on pourra être en présence avec elle, même si physiquement elle sera pas à côté de nous. Et donc ça, c'est jeudi 24, nous sans l'État. Et si vous en avez envie, j'en reparlerai un peu plus longuement tout à l'heure. Il y a une pièce de théâtre qui va se jouer tous les jeudis et le vendredi jusqu'au 23 novembre qui s'intitule « Et réinventons la tendresse » au théâtre La Croisée des Chemins, rue Axo, dans le 19e à Paris. C'est la salle Paris-Belleville du théâtre de La Croisée des Chemins, mais je vous en reparlerai plus précisément plus tard. Et alors, donc aujourd'hui, on va également parler, là, dans ce programme-là, en direct, avec des copains qui sont donc justement en ligne. Je ne sais pas si c'est copains, copines ou copains, copines, les deux. Des personnes, dans tous les cas, qui ont été dans une lutte menée notamment à Carrefour, l'enseigne Carrefour. On parlera ensuite de Ricardo Flores Magón, qui est une figure emblématique dont le centenaire de son décès a été commémoré le 20 novembre. Donc c'était hier, le 100 ans de la disparition de Ricardo Flores Magón, une figure anarchiste importante, qui a marqué pas seulement le Mexique, qui lui-même avait été de toute façon inspiré par d'autres figures emblématiques anarchistes et qui ont impulsé la révolte et cette révolution qu'on connaît au Mexique, connue à partir de 1910. Mais il avait du coup justement lui participé à soulever déjà en amont les peuples, et on va pouvoir lire quelques textes et aussi parler des luttes autour au Mexique et notamment justement dans la région de Ricardo Flores Magón au Mexique, dans l'état de Oaxaca. On sera ensuite avec Marcelina, toujours au Mexique. On n'a pas pu la voir aujourd'hui en direct car elle est repartie, mais elle a été présente avec nous plusieurs jours sur la région parisienne et elle est venue notamment puisqu'elle lutte et elle résiste, elle et d'autres communautés au sein de l'organisation qu'on appelle aujourd'hui Pueblos Unidos, contre une entreprise qu'on connaît très bien qui s'appelle Danone, dont le siège mondial est ici à Paris. Donc il y a, on va avoir l'occasion d'en reparler avec elle et on vous appellera tout au long des mois à venir. Je l'espère que vous répondrez du coup présent à des actions contre cette entreprise qui ruine les sols, détruit et même menace la vie des personnes. Donc c'est une émission où on va passer, comme souvent, c'est la jungle des luttes, d'une lutte à une autre, mais tout ça, ça a un même sens. En avant, los pueblos. Aquí estamos. On va donc faire une petite pause musicale et ensuite on sera avec les copains de Carrefour. Capitalista, indígena de color, su metodología, ver, pensar y actuar, tomándolos en cuenta, acuerdos de San Andrés, los siete principios del mandar obedeciendo. Llegó el momento, tomar de las manos lo que es del pueblo, todos para todos. Indígena de color, su metodología, ver, pensar y actuar, tomándolos en cuenta, acuerdos de San Andrés, los siete principios del mandar obedeciendo. Llegó el momento, tomar de las manos lo que es el pueblo, todos para la jungle des luttes, le programme de radio qui vous est proposé par le CSPCL, le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et ce soir, on a aussi quelqu'un du comité de soutien avec les inculpés de l'autoréduction qui avait eu lieu à Carrefour il y a un petit bout de temps, Damien. Damien, est-ce que tu es là avec nous ? Oui, je t'entends. Bonsoir. Super Damien, est-ce que tu peux du coup nous redire un petit peu de quoi il s'agissait cette autoréduction à Carrefour et qu'est-ce qui en a suivi et puis également aussi quelles sont les dernières actualités par rapport à cette lutte? Ok, déjà merci de nous recevoir. En gros, nous, on avait été, donc cette autoréduction elle a eu lieu en janvier 2021 et en fait, pour se rappeler, c'était un moment où on était encore en confinement ou du moins on sortait des confinements, on va dire, les plus strictes. Et pendant ces périodes de confinement, en fait, il y a eu plusieurs, on va dire, collectifs qui sont auto-organisés. Nous, on était plus vers Montreuil, mais il y en a eu un peu partout dans Paris, en banlieue, pour s'entraider au niveau de alimentaire, au niveau hygiène, parce que la situation était très compliquée, notamment pendant le premier confinement. Et donc, il y a des collectes, des cantines qui étaient organisées. Et puis en fait, suite à ça, on va dire de fil en aiguille, on en a eu un peu, on trouvait que c'était un peu insuffisant juste de faire de la récup, de faire des collectes devant des magasins. On s'est dit qu'on avait envie collectivement et de manière publique, on va dire, d'aller porter cette question de l'accès aux biens. Alors on dit de première nécessité, mais voilà, ça ne veut pas dire des biens de mauvaise qualité à des biens de bonne qualité et donc d'aller de s'organiser collectivement pour aller récupérer des marchandises donc dans un carrefour et puis j'ai envie de dire clairement leur demander un minimum, parce que c'est les grandes distributions, et notamment Carrefour, se sont énormément enrichis. Ils s'enrichissent toujours, mais encore plus pendant la période du confinement. Donc, on va dire, c'était d'aller leur demander de rendre même une infime partie de tout ce qu'ils gagnent pour que ce soit que ça bénéficie à des collectifs militants, des collectifs de précaires, et que ce soit redistribué. Et en gros, sur cette autoréduction, on était une soixantaine. Elle a eu lieu en janvier 2021 dans le 13e à Paris. Et au cours de cette autoréduction, d'abord, la direction, elle a donné son accord pour qu'on sorte avec des produits. Alors justement, ils débattaient pour dire « Ah, on veut pas qu'il y ait d'alcool » ou « On veut pas qu'il y ait de produits de trop bonne qualité ». Donc, de fait, il n'y avait pas d'alcool. Par contre, nous, on disait « Produits de première nécessité », ça ne veut pas dire forcément premier prix. Hein. En gros, tout le monde, Carrefour, ils ont ce slogan « Tout le monde a le droit au meilleur ». J'ai envie de dire, on l'a pris à la lettre. Et la direction a donné son accord. Sauf que l'autoréduction s'est bien déroulée, il y a eu plein de produits qui ont été récupérés, qui ont été partagés, redistribués. Sauf que deux personnes ont eu un contrôle d'identité en sortant par la police, et ensuite Carrefour a porté plainte. Et malheureusement, la justice a suivi la plainte de Carrefour, et les deux personnes ont été poursuivies pour vol en réunion. Il y a eu un premier procès le 14 octobre 2021, donc il y a un peu plus d'un an. Et en fait, ce qui est un peu intéressant autour de ce procès, c'est que d'un point de vue pénal, la procureure même, elle, a dit qu'elle avait hésité à poursuivre parce que la direction avait d'abord donné son accord. Donc, il disait que le qualificatif de vol en réunion tenait pas vraiment. Bon, nous, on disait qu'effectivement, il tenait pas du tout. Et la procureure, elle avait dit, en gros, moi, je demande une amende avec sursis. Donc, c'est ce qu'on a eu au niveau pénal, une amende avec sursis. Par contre, le problème, c'est qu'au civil, dans ces cas-là, une condamnation même, on va dire, légère. Enfin, nous, on demandait la relaxe hein, pour l'autoréduction, clairement. Mais bon, au final, la condamnation d'une amende avec sursis, était relativement légère. Par contre, ça ouvrait la possibilité à Carrefour de demander des dommages et intérêts. Et là, ils se sont fait plaisir, enfin, ils se sont vengés. Et clairement, ils ont menti du début à la fin sur un inventaire qui avait été fait. Ils nous réclamaient 54 000 euros. En gros, 20 000 euros de ce qui aurait été pris pendant l'autoréduc, 10 000 euros de manque à gagner, 10 000 euros pour atteinte à leur image et de frais de justice. Et au final, malheureusement, on a quand même été condamnés à 38 000 euros à payer en première instance. Donc là, c'est vraiment, je pense qu'on le partage ici, mais le sommet de l'indécence, que c'est une entreprise qui a fait 1 milliard de bénéfices, qui s'est encore plus enrichie pendant le confinement, et qui, en plus, après, on va dire, avoir donné son accord pendant l'action, se retourne contre deux militants et leur réclame 38 000 euros. Donc il y a un appel qui a été fait. L'appel, il suspend la peine en première instance. Il n'y a pas de date de procès en appel, mais là, ce qu'on demande à travers des semaines d'action, on demande à Carrefour de retirer sa plainte, de ne plus de renoncer, ce qui serait quand même la moindre des choses, qui renonce à réclamer 38 000 euros à deux camarades. Quoi. Et allô ? Oui, on t'entend toujours bien, super, merci beaucoup. Et donc juste dans cette idée. Et c'est pour ça aussi qu'on en parle là ce soir. Il y a eu deux semaines d'action qui ont été organisées pour qu'il y ait une relaxe hein, aussi autour de cette autoréduc et que, minima, pour que Carrefour renonce à demander à réclamer ces 38 000 euros. Il y a eu une semaine d'action en mars dernier qui a eu quand même c'est pas directement révolutionnaire, mais ça les embête un peu quand même, parce qu'il y a eu de l'agitation, des tractages dans des magasins, il y a eu l'occupation de leur siège à Massy, il y a eu des collages, ça les embête un peu. Et donc là, l'idée, vu que jusqu'ici, on a eu un rendez-vous, mais qui n'a rien donné, ils se sont pas engagés à ne pas réclamer cet argent, et il y a une deuxième semaine d'action qui a lieu la semaine prochaine, du 28 novembre au 4 décembre, et donc pour laquelle on appelle tout collectif ou même toute personne à se solidariser. Alors, il y a un site internet, un blog, Carrefour retire ta plainte à nos blogs. Même en écrivant ça suffit pour le trouver, sur lequel il y a toutes les informations. Et peut-être pour dire aussi, comme rappel, c'est que ce sur quoi on peut quand même un peu les attaquer, Carrefour, c'est leur image. Et que même, en fait, des actions un peu isolées ou des remontrances isolées dans des magasins, en fait, ils font tout remonter à la direction. On a vu ça, on s'en est rendu compte lors de la première semaine d'action. Donc, ça veut dire même des choses un petit peu isolé, si c'est fait collectivement, c'est encore mieux, mais même des fois, aller faire, entre guillemets, un petit scandale autour de cette histoire dans le carrefour du coin. En tout cas, ça a des conséquences, ça remonte, ça, pour eux, ça leur fait un signalement à la direction, et essayons qu'on soit le plus nombreux possible, parce que contre Carrefour, et puis pour défendre ce mode d'action. Ouais, bah merci beaucoup Damien, total soutien à vous et bon courage pour la suite. On va continuer à diffuser tout ce qui se passe par rapport à cette histoire-là et on vous souhaite d'avoir plein de soutien pour cette semaine d'action qui arrive. On va faire une petite pause musicale maintenant avant de parler du centenaire de la mort de Ricardo Flores Magón, mais je crois que Vicky voulait faire une petite intervention avant cette petite pause. Pour dire que justement, précisément, il y a un moment où il va falloir attaquer les enseignes, puisque tout à l'heure, on va parler justement de Danone. Là, on parle de Carrefour. Et donc voilà, c'était pour vous interpeller et éventuellement, vous aussi, n'hésitez pas à faire appel à nous pour rediffuser des messages, faire des annonces si vous avez donc justement d'autres actions et nous rappeler qu'il faut continuer à se mobiliser. Bonne chance à tous, la lucha sigue, musique. Ouais. Merci à toi. Merci. Nosotros los zapatistas, originarios del pueblo de América y del mundo, la tierra es nuestra madre, casa de nuestra cultura, damos la vida por ella. La tierra para nosotros, la tierra. Crece y sale, descendientes y alimentos, aire puro respiramos, cantos de aves alegres. La tierra no es mercancía como los seres. En 6.3 FPP, la jungle des luttes, hommage à Ricardo Flores Magón qui nous a quittés donc il y a 100 ans. C'était dans la prison des États-Unis, et dans une des prisons des États-Unis, la dernière qui, qui, qu'il a connu, parce qu'il a eu l'occasion d'y aller plusieurs fois, on vous en reparlera. On commence juste avec un texte pour vous donner comme ça un petit peu le ton, l'état d'esprit et la détermination de Ricardo Flores Magón. Il a donc écrit ce texte qui s'appelle « Les illégalistes ». Il est assez court et donc il est écrit en 1910. Donc date de la révolution mexicaine, ou en tous les cas du début officiel de la révolution mexicaine. Le révolutionnaire est un illégaliste par excellence. L'homme dont les actes sont toujours conformes à la loi ne sera au mieux qu'un animal bien domestiqué, mais jamais un révolutionnaire. La loi conserve, la révolution régénère. Si l'on veut donc changer, il faut commencer par briser la loi. Prétendre que la révolution peut se faire en respectant la loi est une aberration, un contresens. La loi est un joug et qui veut s'en libérer doit le briser. Quiconque fait miroiter aux travailleurs l'émancipation du prolétariat par la voie légale est un escroc, car la loi interdit d'arracher des mains des nantis la richesse qu'ils nous ont volée. Leur expropriation au bénéfice de tous est la condition essentielle à l'émancipation de l'humanité. La loi est un frein et ce n'est pas avec des freins qu'on se libère. La loi castre et les châtrés ne peuvent prétendre être des hommes. Toutes les libertés conquises par l'humanité sont l'œuvre d'illégalistes qui se sont emparés des lois pour les réduire en miettes. Les tyrans meurent poignardés et nul article du code ne saurait nous en débarrasser. L'expropriation ne peut se faire qu'en écrasant la loi et non en la subissant. C'est la véritable raison pour laquelle, si nous voulons être révolutionnaires, nous devons être illégalistes. Il nous faut sortir des sentiers battus et ouvrir de nouveaux chemins en transgression. De nouveaux chemins aux transgressions. Rébellion et légalité sont inconciliables. Qu'on laisse la loi et l'ordre aux conservateurs et aux bonimenteurs. On est avec un copain qui, justement, va pouvoir parler avec nous de ce fameux grand personnage. Ricardo Flores Magón, voilà, qui est une figure... une grande figure de la révolution mexicaine qui est justement paradoxalement dans le panthéon officiel des grandes figures au Mexique reconnues par l'État encore aujourd'hui. Il y a des monuments Ricardo Flores Magón, il y a des rues Ricardo Flores Magón, ça fait partie des figures un peu incommodes comme Emiliano Zapata, mais ça fait partie des figures essentielles qui ont été à l'origine de la grande révolution au Mexique qui a commencé en 1910 contre le régime de la dictature de l'époque, qui était une dictature libérale autoritaire, menée par Porfirio Díaz, qui était un militaire qui, comme beaucoup de régimes de la fin du 19e siècle en Amérique latine, qui était basé sur ordre et progrès, travail, des thèmes un peu proches de travail, famille, patrie, ordre, progrès, etc., qui étaient très liés. Il avait combattu l'invasion française du Mexique, Porfirio Díaz, et ensuite il s'était retourné, il avait pris le pouvoir et avait établi une dictature appuyée sur les grands capitaux internationaux, notamment européens, avec beaucoup de partenariats, notamment avec la France. C'est l'époque de l'Art Nouveau, etc. Il y a plein de bâtiments qui ont été construits à cette époque au Mexique avec le style français. Il y a énormément de terres, notamment au Chiapas et ailleurs, qui ont été distribuées aux grands investisseurs européens de café. C'est cette époque-là qu'il y a plein de fincas qui sont apparues, qui s'appellent Finca Alemania, Finca Francia, dans tout le Mexique, tous les droits étaient accordés aux Européens, qui étaient vus un peu comme ceux qui allaient régénérer, qui allaient apporter leurs capitaux, leurs idées, leur savoir, leur sang au développement du Mexique. Et dans ce contexte-là, il y a énormément de gens qui sont fait spolier leurs terres, énormément de paysans. Il y a une rage qui était très, très sensible. et des gens qui ont commencé à prendre position. Ricardo Flores Magón, ça fait partie des premières générations qui sont soulevées contre Porfirio Diaz. Et paradoxalement, Ricardo Flores Magón, il a fait des études de droit. Il a fait des études pour être avocat. Il était fils d'un ancien militaire qui avait servi aux ordres de Porfirio Diaz, qui avait fait toutes les batailles contre les Français, notamment dans une région indienne qui s'appelle la Mazateca, qui était donc un héros de guerre et qui a jamais été comme beaucoup d'autres militaires qui avaient fait la guerre, qui n'avaient jamais reçu ses pensions, qui a été méprisé, ignoré par Porfirio Diaz une fois qu'il est arrivé au pouvoir. Et il a grandi en faisant, dès sa jeunesse, les premières manifestations étudiantes qui dénonçaient l'autoritarisme du régime. Il est allé en prison à la première fois à 19 ans, 20 ans. C'était en 1892, je crois, les premières révoltes étudiantes. Et voilà, et à partir de là, lui et ses frères et d'autres, ils ont rejoint ce qui s'appelait à l'époque le Parti libéral mexicain, qui était un parti plutôt au départ de la bourgeoisie, plutôt d'avocats, de légalistes, qui se battaient en fait contre les violations de la constitution que faisait Porfirio Diaz, du coup qui se faisait réélire au mépris de la constitution. Donc au départ, c'était son cadre, c'était le cadre dans lequel il s'est énormément investi, et puis petit à petit, il est passé à la lutte clandestine, à l'édition de journaux qui étaient fermés régulièrement, etc. Ils ont dû partir aux États-Unis ils ont créé toute une presse clandestine aux États-Unis. C'est aux États-Unis que du coup, avec le soutien des anarchistes, d'industrial workers of the world, Emma Goldman, etc., de grandes figures du milieu anarchiste américain. En fait, ils ont réussi à faire tout un réseau de solidarité, notamment dans la migration mexicaine qui travaillait aux États-Unis, pour financer la révolte au Mexique. Et notamment à travers de la presse, donc à travers un journal qui s'appelait Regeneración, donc qui était diffusé à des dizaines de milliers d'exemplaires de manière clandestine dans tout le Mexique. Et donc à partir de 1905-1906, il y a eu des discussions un peu partout pour élaborer un programme révolutionnaire en vue de faire une insurrection contre le régime de Porfirio Diaz. Il y a eu des essais ratés qui ont été sauvagement réprimés, notamment à Cananea, une grande mine du nord du Mexique. Finalement, en fait, ce programme a été distribué à des centaines de milliers d'exemplaires, et il y a eu un grand soulèvement armé du coup, qui a eu lieu en 1910. Il y avait deux figures il y avait deux grandes tendances dans le mouvement de lutte contre la dictature de Porfirio Diaz. Il y avait une figure très légaliste, très réformiste, qui était Madero, qui était un très grand propriétaire terrien, le plus grand propriétaire terrien de l'état de Chihuahua au nord du Mexique. Qui s'était présenté aux élections contre Porfirio Diaz. Les élections étant truquées, il avait perdu. Qui était une figure réformiste. Et de l'autre côté, il y avait le mouvement révolutionnaire qui avait été initié par Ricardo Flores Magón à travers des soulèvements armés dans plein d'endroits du Mexique. Par Ricardo Flores Magón et plein d'autres figures aussi qui sont moins connues. Ricardo Flores Magón étant, celle qui est la plus connue parce qu'il était, à la tête des presses clandestines, du journal clandestin qui servait un peu de fer de lance un peu de la révolte. Et du coup, c'est vrai qu'on connaît beaucoup plus d'autres figures comme Emiliano Zapata, comme Pancho Villa, etc., qui sont les figures les plus connues un peu des insurrections, des différentes insurrections qui ont éclaté ensuite au fil de la Révolution mexicaine qui a duré de 1910 aux années 20. Officiellement, et même après, il y a des gens qui ont continué la lutte. C'est sa pensée, son slogan Terre et Liberté a beaucoup influencé notamment Emiliano Zapata et d'autres. On va peut-être, je crois que tu voulais lire un texte sur la révolution, justement l'appel à la révolution. Le droit à la révolte. Le droit à la révolte, je crois. Alors donc, du coup, ce texte, il est justement aussi de septembre 1910, hein, toujours cette année. Du haut de son piton rocheux, le vieux vautour scrute l'horizon. La clarté qui commence à dissiper les sombres nuages amassés par le crime l'inquiète. Dans la pâleur du paysage se dessine la silhouette d'un géant, l'insurrection. Le vieux vautour a beau se perdre dans l'abîme de sa conscience, en remuant la fange, il n'y trouve rien qui puisse l'éclairer sur les origines de cette révolte. Il fouille alors ses souvenirs. Hommes et choses, dates et événements forment dans sa tête un cortège d'antex. Le martyr de Veracruz défile les blêmes. Ils exhibent les blessures que leur ont infligées une soldatesque avinée à la lueur de la lanterne d'une cour de caserne. Viennent ensuite les livides ouvriers del Republicano, art des chairs déchirées par les baïonnettes des sbires. Suivent les familles de Papantla, femmes, vieillards et enfants, le corps criblé de balles. Voici les ouvriers de Cananea, tout ruisselant de sang, sublimes dans leur sacrifice, et imposants ceux de Rio Blanco, dont les plaies sanglantes accusent le crime officiel. Et les martyrs de Ruchitán, de Velarnia, d'Enia, de Monterrey, d'Acayucan, de Tomochic. Des légions de spectres, de veuves, d'orphelins et de bannières se succèdent. Le peuple entier surgit, nu et défait, accablé par l'ignorance et la faim. Le vieux vautour lisse rageusement ses plumes ébouriffées par le tourbillon des souvenirs. Il se refuse à lire dans le passé les causes de la révolution. Sa conscience de charognard justifie la mort. Il y a des cadavres ? Sa pitance est assurée. Ainsi vivent les classes dirigeantes, de la souffrance et de la mort des classes dirigées. Pauvres et riches, opprimés et despotes, égarés par l'habitude et les usages ancestraux, considèrent cette situation absurde comme naturelle. Un jour pourtant, un des esclaves tombe sur un journal libertaire. Il y lit comment le riche abuse du pauvre par la force ou par la ruse. L'esclave se met à réfléchir et en conclut qu'aujourd'hui comme hier, seul compte le rapport de force. Il devient alors un rebelle. On ne saurait combattre la force par de beaux raisonnements, mais bien par la violence. Le droit à la révolte pénètre les consciences. Le mécontentement grandit, le malaise devient insupportable. La contestation éclate et tout s'embrase. On respire alors un air vivifié par les effluves de la révolte. Les esprits sont saturés et l'horizon commence à s'éclaircir. Du haut de son rocher, le vieux vautour est à l'affût. Plus une plainte, plus un soupir, ni même un sanglot ne monte des plaines. C'est une clameur, un rugissement. Le rapace s'épouvante en baissant l'œil. On n'aperçoit plus le moindre dos courbé. Le peuple s'est levé. Glorieux instant qui voit un peuple entier se redresser. Ce n'est plus un troupeau d'agneaux brûlés par le soleil, ni une foule sordide d'esclaves résignés. C'est une horde de rebelles qui se lancent à la conquête de la terre. Une terre qui renoue avec la noblesse puisque ce sont des hommes, enfin, qui la foulent. Le droit à la révolte est intangible. À chaque obstacle qui entrave la vie, il faut y recourir. Révolte, crie le papillon rompant le cocon qui l'emprisonne. Révolte, crie le bourgeon en déchirant l'enveloppe qui l'enferme. Révolte, crie le germe au passage de la charrue réclamant le rayon du soleil. Révolte, crie le nouveau-né en déchirant les entrailles maternelles. Révolte, clame enfin le peuple soulevé pour écraser tyrans et exploiteurs. La révolte, c'est la vie, et la soumission, c'est la mort. Y a-t-il des rebelles au sein du peuple ? Alors la vie est possible, ainsi que l'art, les sciences et l'industrie. De Prométhée à Kropotkine, les révoltés ont été les moteurs de l'humanité. Le dépassement qui caractérise les instants privilégiés de l'histoire, c'est la révolte. Sans elle, le genre humain se traînerait encore dans cette lointaine pénombre que les historiens appellent l'âge de pierre. Sans elle, les peuples seraient encore à genoux devant les principes spécieux du droit divin. Sans elle, ils seraient depuis longtemps égarés dans les brumes de l'idéologie. Sans elle, notre merveilleuse Amérique continuerait de dormir sous la protection des océans mystérieux. Sans elle, on verrait encore se profiler l'austère silhouette de cette insulte au genre humain qu'était la Bastille. Il ne reste rien au vieux vautour qu'à prendre son envol, la pupille pupille sanguignolante, rivée sur le géant qui s'avance. Il n'a toujours rien compris aux causes de l'insurrection. Les tyrans ne comprennent pas le droit à la révolte. Donc c'est le 10 septembre 1910. Voilà, c'était un peu la teneur des textes qui a été écrit chaque jour par Ricardo Flores Magón et par d'autres aussi. Il y a eu plein d'autres figures du mouvement magoniste. Il y avait plein de il y a différentes cellules. Il y avait plein de gens qui écrivaient aussi. Mais c'était l'un des principaux à écrire dans ce journal et à alimenter du coup cette révolution, ces insurrections, parce qu'il y en a eu plein dans plein d'endroits. Enfin, elles n'ont pas commencé avec la révolution mexicaine, les insurrections contre Porfirio Díaz ou contre l'ordre social au Mexique, mais à un moment donné, il y a eu ça s'est catalysé. Et voilà, même si les insurrections qui ont été initiées par on va dire le courant magoniste, les gens autour du journal de Ricardo Flores Magón, elles se sont fait assez vite écraser. Il y en a quand même eu, qui ont eu. Voilà, c'est des choses qui sont encore étudiées dans certaines régions, la Basse Californie, etc., un certain nombre d'endroits. Il y a d'autres personnes qui sont soulevées dans plein d'autres endroits du Mexique, et notamment Emiliano Zapata. Et voilà, même aujourd'hui, je pense que ça parle encore, tous ces textes, quoi. Ouais, et je sais pas si on a le temps, si on veut peut-être quand même un peu parler de El Oso Tchitlan. Du coup, je sais pas si on lit vraiment ce petit texte qui est quand même un petit peu rapide ou pas. Allez, je le lis vite fait parce que du coup, ouais, ça raconte forcément une figure de Zapata, puisqu'on parle souvent des zapatistes au comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, donc qui est né du soulèvement zapatiste. Un an après, ce collectif s'est créé. Et les zapatistes eux-mêmes ont pris ce nom en lien direct avec cette figure d'Emiliano Zapata, et précisément au moment de cette révolution dont on parle. Et donc je vous lis le petit texte que Magón il a écrit à ce propos le 11 juillet 1994. N'importe quoi. 94, c'est le soulèvement zapatiste. C'est le 11 juillet 1914. Zapata et Villa. La rupture qui s'est produite entre Villa et Carranza, malgré les accords de Torreón, donne lieu à toutes sortes de rumeurs. L'une d'elles laisse entendre que Villa va s'allier avec le révolutionnaire du Sud, Emiliano Zapata, pour récupérer la révolution à son seul profit. Il y a de l'absurdité dans ce ragot. Nous connaissons tous la sincérité révolutionnaire d'Emiliano Zapata. Il pratique l'expropriation pour le bénéfice de tous, tandis que Villa est un chien de la bourgeoisie prêt à fusiller tout prolétaire surpris à prendre un bout de pain pour atténuer sa faim. Zapata sait que l'occupation des terres par les travailleurs qui entendent la cultiver sans maître est la seule base solide de la liberté des prolétaires. En accord avec ses idées, il ne s'oppose pas à ce que les habitants des régions contrôlées par ses forces s'emparent de la terre et travaillent, alors que dans la zone contrôlée par Villa, les peones n'ont même pas assez de terres pour recouvrir leurs morts. Évoquer une union de Villa et Zapata est absurde. Villa est un bandit qui protège les intérêts de la bourgeoisie. Zapata est un révolutionnaire intègre et sincère qui arrache la richesse des mains de la bourgeoisie pour la rendre à ses producteurs, les pauvres. Voilà, ça dit bien. Et la figure un peu qui est restée de Zapata, qui n'a pas accepté au moment de prendre le pouvoir, qui a préféré rentrer au Morelos pour continuer la révolution qu'ils étaient en train de faire. Et voilà, justement, ouais, il sera assassiné, ouais, Zapata en 19, puisque officiellement la révolution était arrêtée en 17. Lui, il a décidé de continuer la révolution et donc pas attendre qu'elle se fasse depuis cette fameuse loi qui, normalement, il y avait une loi agraire, permettait quand même justement une répartition qui, depuis, qui ne s'est jamais vraiment réalisée et qui avait qu'un moyen, c'était de l'arracher. Ouais, ils avaient continué, puis du coup, Zapata a été assassiné par les nouvelles autorités révolutionnaires, comme sûrement Ricardo Flores Magón, qui est mort en prison. Arrêté et enfermé aux États-Unis sur pression du coup des autorités mexicaines et sûrement, très suspecte, sûrement, ouais, empoisonné au sein de la prison de Leavenworth, où a été aussi Léonard Peltier ensuite, et beaucoup de gens, enfin une célèbre prison des prisonniers politiques. Donc il est mort le 21 septembre 1921, et aujourd'hui, et comme hier... 22, pardon, ouais. Et aujourd'hui, comme hier, bah, dans son village de naissance, en fait, il y a eu des événements, des rassemblements, et aussi à Mexico, pour demander la libération des prisonniers, qu'il y a au Mexique, des prisonniers politiques, notamment des prisonniers du village originaire de Ricardo Flores Magón, qui s'appelle El Oso Chitlán de Flores Magón, où des gens, pour avoir lutté politiquement, se retrouvent en prison depuis 8 ans maintenant, sans procès. Personne n'aimerait qu'il meure en prison. Il y a aussi un camarade à nous, un camarade libertaire, anarchiste, s'appelle Miguel Peralta, qui a dû s'exiler aussi parce qu'il a une peine de 50 ans de prison qui a été réactivée contre lui dans la même répression. Donc c'est des peines gigantesques, des peines massues qui sont déployées contre les révoltes qu'il peut y avoir contre les barons, contre les barons politiques qui tiennent le Mexique et les régions indiennes au Mexique. Donc voilà, c'était pour dire depuis Paris, hier et aujourd'hui, toute notre solidarité avec les prisonniers politiques d'El Oso Chitlán de Flores Magón, avec Miguel Peralta qui est exilé. Qui est exilé aujourd'hui et qui essaie d'avoir le statut de réfugié politique, et bien d'autres familles qui sont déplacées à cause de ce conflit, tout comme il y a 100 ans et comme c'est toujours le cas aujourd'hui pour plein d'autres endroits. Ouais, merci beaucoup. Donc si vous avez envie de continuer à suivre un petit peu cette information, à apporter votre soutien, qu'il soit financier, moral ou politique, vous pouvez vous connecter avec nous. Donc nous, le CSPCL, on a un site cspcl.ouvaton.org. Vous pouvez nous écrire éventuellement ou nous retrouver 1er, 3e ou 5e mercredi du mois à 20h dans les locaux de la CNT au 33 rue des Vignoles à Paris 20e. Donc on peut continuer ensemble à partager ces informations. L'émission n'est pas finie, on va faire une pause musicale, on est un peu long. Et ensuite on sera donc avec Marcelina qui est venue donc du Mexique et qui va nous parler de sa lutte et donc de ses actions qu'il faut qu'on mène ensemble contre Danone. Merci FPP 106.3 Musique, la jungle des luttes. En medio de las grandes amenazas de hostigamientos paramilitares, armando y formando a la autonomía, salud verdadera y la educación. Intenta acabar este mal gobierno, nuestra resistencia, nuestra autonomía, por medio de ideas de las migajitas, de las difusiones, por la economía. La guerra de arriba es de muerte, trae destrucciones, el terror que mata, los ricos que roban, multimillonarios que roban petróleo y uranio, construyendo otra forma de vida, gobernándonos entre nosotros como pueblos colectivos de abajo, practicando y ejerciendo los 7 principios, construyendo a la autonomía con corazón sencillo y humilde, opinando, discutiendo y pensando los principios del mandar, mandar obedeciendo, decidiendo, analizando lo mejor, resistencia y rebeldía. Guerra de arriba es de muerte, trae destrucciones, el terror que mata a los ricos que roban, multimillonarios que roban petróleo y uranio, construyendo otra forma de vida, gobernándonos entre nosotros como pueblos colectivos de abajo, practicando y ejerciendo los siete principios, construyendo a la autonomía con corazón sencillo y humilde, opinando, discutiendo y pensando los principios del mandar, mandar obedeciendo, decidiendo, analizando lo mejor, resistencia y rebeldía. En 6.3 FP La Jungle des Luttes, on continue avec Marcelina, avec qui on s'est entretenu vendredi dernier. C'est à nous. Bonjour Marcelina et Alma, qui va traduire Marcelina, qui nous vient du Mexique. Tu es là pour dénoncer les entreprises françaises, notamment ici, qui investissent dans un certain nombre de projets destructeurs dont on a pu parler à plusieurs reprises dans notre émission. Et merci beaucoup d'être avec nous, de nous accorder cet entretien. Gracias, Alma, por estar con nosotros. Tú veniste acá en primo lugar para defender tu pueblo, tu lucha, que ve su territorio destruido por varios proyectos y que también vienes entonces aquí a denunciar las empresas que ponen todo el dinero para que se destruya su territorio. Entonces te dejo presentar tú como mujer en lucha y también tu organización, tu pueblo y a qué viniste, ¿no? Gracias. Et donc, je vais la laisser se présenter elle en tant que femme en lutte et également son organisation et le projet de sa venue ici. À toi, merci. Pues muchas gracias, muy buenos días. Mi nombre es Marcelina. Soy integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. También pertenecemos al CNI, estamos ahí acompañados con los compañeros de México. Actualmente, pues, formo parte de Pueblos Unidos de la región cholulteca en contra de Bonafont. Pues también agradecemos también a PBI por acompañarnos, por hacer lo posible de estar hasta acá. Bonjour Marcelina dit bonjour à tous et à toutes, merci tout d'abord de m'avoir invitée ici. Marcelina se présente, elle est membre d'une organisation qui s'appelle Front des Peuples en la défense de l'eau et de la terre. Elle est aussi membre du CNNI, qui est le Conseil National Indigène. Congrès, ouais. Congrès National Indigène. De même, elle fait partie d'une organisation qui s'appelle Peuple Uni contre Bonafone. Et elle remercie aussi PBI France de l'avoir soutenue dans cette tournée. Y pues decirle que mi estancia aquí es pues para denunciar todos estos proyectos de muerte que nos están poniendo en nuestras comunidades allá en la región cholulteca en México. Y pues nosotros no estamos de acuerdo con que esa empresa del llamado PIN, del Proyecto Integral Morelos, se instale o que empiece a trabajar allá en las comunidades de Morelos, de Cuernavaca, Morelos. Donc tout d'abord, elle voudrait mentionner que elle est ici en France pour dénoncer justement l'installation des projets massifs qui sont présents dans la région de Cholulteca. Elles sont pas d'accord avec l'installation du projet PIM. Justement, c'est une installation qui est à Cuernavaca, Morelos. Et donc PIM, ça veut dire Projet Intégral Morelos. Et pues sí, decirle que nosotros siempre nos hemos nos hemos opuesto a este proyecto, pero pues con el solapamiento de los tres niveles de gobierno lo pusieron a la fuerza. A partir del 2012 fue cuando inició la instalación de este proyecto, que está compuesto por dos termoeléctricas de ciclo combinado, con una dimensión de 30 diámetros de pulgada, y pues están un acueducto y un gaseoducto que atraviesa ahí en esa zona de 173 kilómetros de vía de tubo. Donc justement, elle mentionne que elle voudrait justement insister sur leur opposition à ce projet-là, et notamment elle voudrait insister sur la collusion de différents niveaux des États, notamment en 2012. Elle dit que c'est un projet qui a été mis dans à leur contre de leur gré. Ils n'étaient pas d'accord contre ce projet-là qui est composé de deux thermoélectriques. Et de même d'un gaz aqueduct et aussi d'un gazoduc qui fait plus ou moins plus de 173 mètres de largeur. De longueur. De diamètre ? Oui, de longueur. D'accord. À toi, Marcelina. Pues decirles que esta empresa está compuesta por estas empresas llamadas Sangobain, Bonatti, Elecnor, Abengoa, Enagás. Pues estas empresas son las que instalaron el proyecto integral Morelos, y que al día de hoy, bueno, sabemos que ya vendieron esta empresa, pero que pues el daño está puesto ahí porque pues vivimos cerca del volcán, estamos en las faldas, atraviesan las faldas del volcán Popocatépetl, que es un volcán que está actualmente activo. Y pues también al lado tenemos a un socavón que se hizo a través de la extracción masiva de la empresa Bonafón, del grupo Danone, es una empresa francesa. También al lado tenemos muchas empresas instaladas que también están dañando ahí las comunidades. Y sobre todo que ahí debajo de esa tubería tenemos a 6 metros agua, mucha agua. Du coup, elle voudrait dire qu'il y a plusieurs entreprises qui participent dans ce projet-là, entre elles, Saint-Gobain et aussi Danone. Aussi que ce projet-là est dans les alentours du volcan Popocatépetl. C'est un volcan qu'elle mentionne que c'est un volcan qui est actif. Donc aussi, elle dit que ce projet-là a eu des impacts environnementaux, notamment ça a créé un gros trou, voire un gouffre. Elle insiste encore sur l'implication de Danone et d'autres entreprises qui ont affecté aussi les communautés qui sont dans les alentours du projet. Pues también decirle que nosotros hemos denunciado, pero no se nos ha hecho caso en nuestro país. Y actualmente tenemos denunciados a más de 20 compañeros de ahí. Pero actualmente, pues nosotros, yo estoy aquí para denunciar y decir que la muerte del compañero Samir Flores Soberanes, que fue asesinado justo cuando se estuvo construyendo esta empresa llamado PIN. Y pues también actualmente el compañero Juan Carlos Solís Flores ha recibido 3 allanamientos justamente en este mes. Y el último fue que le quitaron los tornillos de su automóvil y casi muere en un accidente. Marcelina mencionó aussi que elle voudrait dénoncer la situation de leur communauté aussi. Oui, elle voudrait dire qu'ils ont dénoncé justement tout ça, tout ce qu'elle vient de dire par rapport au projet massif qui est installé à Morelos, mais que personne leur a entendu, leur a écouté. De même, elle parle de la situation de ses collègues de la communauté, qui ont été plus de 20 de ses collègues, de ses camarades, ont été, pour leur dire comme ça, criminalisés. Elle mentionne justement le cas de ses collègues, l'un de ses collègues qui s'appelle Samir, qui malheureusement a été assassiné dans le cadre de l'installation de ce projet qui s'appelle PIN. Et de même, il mentionne le cas de l'avocat Juan Solis qui a été victime de plusieurs raids de police et aussi qui a été eu plusieurs qui a passé par plusieurs situations où il a failli malheureusement perdre sa vie, mais il est encore avec nous. Mais je veux dire que il voulait dire qu'il a été il a été visé plusieurs fois en tant que défenseur aussi avocat. Pues también decirle que nosotros como pueblos originarios de allá de la comunidad estamos organizados para que esta empresa no trabaje, no funcione, porque decirle que esos tubos son obsoletos ya después de 10 años ahí sepultados, ha pasado pues sismos, han surgido exhalaciones del volcán, entonces pues decimos que esta empresa, estos tubos ya no funcionan ahí en la tierra, por lo tanto pedimos que desmantelen ese proyecto Integral Morelos, que no lo queremos en nuestro país, en Morelos, porque muchos compañeros han sido hostigados, han sido torturados, les han desmantelado los plantones que ellos han tenido ahí, justamente la Guardia Nacional allá en el estado de Morelos. Donc en tant que Martine a mentionné que en tant que peuple membre des peuples originaires, ils sont organisés, ils sont aussi en train de s'organiser contre ce projet-là. Notamment elle mentionne que plusieurs parties de l'infrastructure du projet telles que des tubes sont obsolètes et ne fonctionnent plus. C'est déjà plus de 9 ans, 10 ans qui sont sous la terre et du coup les membres de sa communauté demandent le démantèlement du projet intégral de Morelos, c'est-à-dire ils demandent le retrait du projet de leur communauté. De même, elle mentionne que plusieurs de ses camarades, collègues ont été criminalisés, persécutés, torturés et que justice soit faite. Y pues especialmente vengo a este país a denunciar que todas sus empresas nos han ido a dañar allá en nuestras tierras, a contaminar, aparte de que esa si trabaja esta empresa, las termoeléctricas, nos robarían miles de millones de litros de agua y pasarían por las turbinas y después de que enfríen esas tuberías, tirarían completamente el agua a nuestros ríos, que están completamente limpios y pues contaminarían toda nuestra agua de nuestras comunidades. Es por eso que nosotros venimos a exigirle a estos empresarios de este país a que quiten esas empresas de allá de nuestros lugares, porque nos están afectando mucho. Et du coup, Marceline a dit qu'elle est ici en France pour dénoncer aussi justement les entreprises entreprises françaises qui ont un impact et qui abîment l'environnement, notamment par la pollution. Et elle mentionne aussi que tout ce projet-là aussi a un impact dans l'environnement, notamment dans l'eau. Qui est contaminée. Et de même, elle exige que justement aux entrepreneurs, aux membres de ces entreprises qu'ils enlèvent leurs entreprises du Mexique. Qu'il y ait un retrait de ces entreprises du Mexique. Et pour l'autre parte, pues también vengo denunciando a esta empresa nuestra empresa Bonafón del grupo Danone, que allá en mi comunidad nos ha saqueado durante 29 años 1.641.000 litros de agua diariamente. Et du coup, Marcelina veut aussi dénoncer l'entreprise Bonafón, qui depuis plus de 20 ans nous a expolié de l'eau et du coup il mentionne que plus de 1 million de litres par jour ont été saccagés, expoliés de leur communauté. Et Bonafón, c'est une filiale de Danone précisément. Y pues decirle que esta empresa Nos ha robado el agua, nos la ha contaminado y lo peor de todo, pues nos la vende. Nos la vende y contamina nuestras tierras, nuestros árboles frutales, nuestra autonomía, toda esa nos la está atacando. Y pues decirle que salga de nuestras comunidades mexicanas, porque lo único que ha ido a hacer es ir a robar nuestra agua, a extraernos mucha agua y pues secándonos nuestros mantos acuíferos de las comunidades. Du coup, elle mentionne aussi que cette entreprise nous a volé leur eau, et pas seulement leur a volé l'eau, mais l'eau qui a été volée a été aussi vendue. Et donc elle mentionne que c'est important aussi de mentionner qu'il y a aussi des impacts environnementaux, notamment la pollution à la terre et aussi l'affectation à leurs arbres fruitiers. Leur autonomie a été aussi affectée, donc elle demande justement le démantèlement, le retrait de leur entreprise dans leur communauté au Mexique. Et de même, il y a un autre type d'impact environnemental, c'est que leurs eaux souterraines sont en train de s'épuiser, de plus exister. Donc, c'est un peu ce que le mentionne. Pues decirle que esta empresa lo único que hace es pagar grupos de choque para que nos golpeen, para que nos criminalicen. Y pues nosotros no estamos dispuestos a eso. El día 22 de marzo nosotros decidimos tomar esta empresa por lo mismo de que nos estaba saqueando nuestra agua. Pero para el 8 de agosto nosotros ahí hicimos un juicio a todas esas dependencias, llamamos a este señor Fabriz Salamanca y para platicar cómo estaba en su documentación, pero tal parece que por medio de corrupción ellos ahí se plantaron y pues nunca nos mostraron completamente sus permisos, y es por eso que nosotros decidimos hacer un juicio político, llamamos a las dependencias para explicarles o expresarles lo que estaba pasando y nadie de ellos llegó. Du coup, le 22 mars, ils ont pris la décision de prendre les locaux de ce projet-là. Ils ont aussi la communauté a aussi tenté de mettre en place un dialogue avec des membres de l'entreprise, tels que Fabrice Salamanca, aussi dans l'idée de leur demander leur permis, mais cette entreprise-là n'a pas vraiment réagi à leur demande. Et de même, ils ont tenté aussi d'entamer un dialogue avec d'autres instances étatiques en lien avec la gestion de l'eau, mais leur voix n'a plus été écoutée. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait un espèce de jugement. Ils ont pris une décision politique de prendre les locaux de cette installation. Puisque d'ailleurs, pour se défendre, ils sont capables de payer des groupes de choc pour venir effectivement faire, empêcher la mobilisation contre Dan. Y pues decirle que a raíz de eso, del 8 de agosto, nosotros tomamos las instalaciones porque no se nos hizo caso, y ahí nosotros empezamos a generar vida dentro de esa empresa donde teníamos, pues formamos una clínica, ahí criamos animalitos, talleres para niños, talleres de televisión, de radio, a donde los niños se les daba dibujo. Teníamos una biblioteca de más de 2,000 libros que fueron donados por organizaciones. Du coup, c'est ainsi que le 8 août, ils ont décidé de prendre les installations. Pourquoi faire pour laisser que pour qu'il y a il y a une floraison de la vie pour produire plus de vie. Dans ce cadre-là, ils ont animé des ateliers destinés à des enfants, des ateliers de dessin, des ateliers aussi à des jeunes. Plus de 2,000 livres ont été donnés aussi à cette maison qui a accueilli des enfants, des femmes et des jeunes. Y pues decirle que también ahí ya estábamos instalados con todo esto, pero para el 15 de febrero del siguiente año fue cuando los tres niveles de gobierno, en complicidad de esta empresa, nos mandaron a sacar con más de 400 elementos de la Guardia Nacional. Nos corrieron a la 1 de la mañana como peores criminales. Y pues solapando estos gobiernos a esta empresa. Donc, le 15 février, Marcelina mentionne qu'ils ont été délogés par plus de 400 éléments de la garde nationale. Donc, c'est important de mentionner. Elle dit que c'était aussi fait par la collusion de trois niveaux de gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement local, fédéral et national. Pues también decirles que nosotros, la naturaleza, pues nos regresa lo que es la razón que nosotros tenemos. El día 29 de, el día 29 de mayo, ahí fue cuando se abrió el socavón, que es de la que les hablé anteriormente. Se abrió, ¿por qué? Porque a raíz de que se cerró la empresa, el agua, claro que tenía que buscar un cauce, y pues como no encontró cauce, pues ¿qué pasó? Que toda la tierra se hundió. El socavón está enorme, está como del tamaño del Estadio Azteca, y aún así sigue creciendo cada vez más. Marcelina menciona que justement ce qui s'est passé le 29 mai, les installations, toute l'installation a provoqué une espèce de trou, un gouffre. Donc, pourquoi ? Parce que l'eau n'a pas vraiment trouvé la manière de sortir de manière naturelle. Donc, ce gouffre est de la taille de l'estade Aztec de Mexico, et du coup elle dit aussi que tout cela c'est aussi une manière de la nature de nous dire, de nous donner une alerte de vis-à-vis à ce que peut produire les des projets massifs qui affectent l'environnement. Que nosotros para nosotros los tres niveles de gobierno son unos corruptos, no nos representan. ¿Por qué? Porque en lugar de apoyar al pueblo, pues le sirven al capitalismo, y entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir organizándonos para sacar adelante nuestro lindo México. Du coup, elle mentionne que justement les trois niveaux du gouvernement mexicain sont des personnes corrompues, ce sont des personnes de même, ces trois niveaux ne leur représentent pas. C'est des instances qui suivent le profit ou les profits qui suivent le capitalisme. Et de même, la communauté va continuer sa lutte et de même, ils vont continuer de se former et puis pour avoir un Mexique plus digne. Y pues decirle que nosotras como mujeres y como hombres, guardianes y guardianas del río, del pueblo, de la vida, nosotros seguimos organizándonos, porque así como me escucha, nosotros hemos defendido muchísimas atrocidades en nuestra tierra, en nuestras comunidades, pero no descansamos, nosotros vamos a seguir luchando, nosotros vamos a seguirnos organizando para defender nuestra autonomía, nuestros derechos de nuestro pueblo, y es por eso que así vamos a seguir nosotros luchando. Du coup, nous, Marceline a dit qu'elle, en tant que gardienne, et de même, la communauté composée de femmes et des hommes, où il y a des gardiennes et des gardiennes défenseurs des rivières et de la vie, ils vont continuer à s'organiser, à lutter, et pour justement dénoncer les atrocités qu'ils subissent et aussi qu'ils subissent la nature, ils vont continuer justement la lutte à s'organiser pour défendre aussi leur autonomie et leur droit de peuple aussi, de peuple originaire. Wow. va faire une petite pause musicale. 106.3 FPP, la jungle des luttes. On est ensemble encore jusqu'à 20h30. Donc après la petite pause musicale, on retrouvera Marcelina qui nous vient du Mexique et nous raconte son combat et leur combat, celle de tous les pueblos de sa région contre Danone. Point 3, la jungle des luttes, on continue. Entonces, Marcela, lo que nos gustaría escuchar es al nivel cotidiano, desde años y años que están luchando en contra de proyectos que tienen varios nombres según los lugares, tiempos, pues, ¿cómo se organizan al nivel cotidiano ahí en las comunidades, asamblea? ¿Cómo si nos puede contar las relaciones con las varias organizaciones al nivel nacional o internacional, cómo se hace todo este trabajo de construcción de resistencia y de lucha? Donc je lui demande justement qu'elle nous raconte un petit peu ce que ça signifie au niveau des communautés, du quotidien, cette lutte et cette résistance, puisqu'il y a depuis des années des projets qui parfois changent de nom, mais qui à la finale affectent toujours les communautés. Donc quelles sont les relations avec les organisations, éventuellement locales, nationales et internationales? ¿Cómo se hace todo eso? A ti te escuchamos, gracias. Pues gracias, decirle que nosotros ningún gobierno nos representa, solo la organización del pueblo es la que saca adelante todos estos proyectos de muerte que nos van haciendo en las comunidades. Nosotros como comunidades nos organizamos por medio de asambleas, por medio de visibilización, con colectivos y organizaciones que también defienden su territorio, que también están en contra del gobierno, porque pues decirle que los gobiernos no nos representan. Et du coup, justement, elle voudrait remercier cette question, et du coup, elle mentionne que aucun gouvernement leur représente en tant que communauté. Elle mentionne que c'est seulement là l'organisation du peuple, des peuples qui permet justement la lutte contre des projets comme des projets qui mènent à la mort. Donc justement, par rapport à la manière de comment est-ce qu'ils s'organisent, ils travaillent en assemblée, et de même aussi avec d'autres collectifs qui veulent aussi, qui sont aussi contre le gouvernement. Donc oui. Pues decirle que nosotros, la lucha no es de apenas, es de hace más de unos 18 años que los compañeros han ido luchando conforme, como me preguntaba aquí la periodista, decirle que primero se luchó contra el PIM, ahí se le puso como nombre Proyecto Integral Morelos, porque eso es lo que están haciendo. Después pues nos seguimos con otra lucha que nos nombramos guardianes y guardianas del río Metlapanapa, ahí defendiendo nuestro río para que no lo contaminaran. Du coup, elle voudrait aussi mentionner que cette lutte n'est pas récente. Et la communauté, les membres de la communauté ont plus de 18 ans de lutte. Donc, de luttes diverses. D'une part, une première lutte toute de vue, la lutte contre le PIN, le Proyecto Integral Morelos. Et une deuxième lutte aussi des gardiens et des gardiennes de la rivière et de la vie. Justement contre la pollution de la rivière. Y pues actualmente para deshacer esta empresa Bonafont, anteriormente la habíamos ido a detener hace unos 10 años, pero pues se burlaron del pueblo, se burlaron de la gente, pues nos insultaron hasta diciéndonos indios. Pero hoy en día, gracias a la organización de más de 20 pueblos, nos organizamos, nos reunimos para ir a detener esta empresa y decirle que ya basta de tanto saqueo de nuestra agua y de estárnosla exterminando. Du coup, actuellement, leur lutte contre Bonafont, qui date aussi de plus de 10 ans, est aussi présente actuellement. Elle mentionne que depuis il y a quelques années aussi, cette entreprise Bonafont leur a humiliés. Ils les ont traités d'indiens, des indios. Et du coup, c'est pour ça aussi que ils ont aussi, la communauté a aussi entrepris de s'organiser avec d'autres organisations pour demander le retrait, le démantèlement de Bonafont de leur territoire. Et decías, non, que tocaba la organización 20 comunidades, non, 20 pueblos, así como que son en esta zona, non, de ataque de los proyectos. Donc, effectivement, ça touche 20 communautés. Enfin, ils sont organisés dans un premier temps, donc en réussissant à réunir 20 communautés qui sont touchées par ce projet. Pues sí, son 20 pueblos que conformamos los más cercanos a esta población, a este municipio de Juan Cebonilla, porque al inicio pues era nada más Santa María Zacatepec, pero pues los pueblos también se han ido dando cuenta cómo nos han quitado el agua, como sus pozos se les había bajado el nivel de agua, y es por eso que nosotros decidimos ponerle Pueblos Unidos de la Región Cholulteca. Donc c'est plus de 20 communautés qui participent dans ce projet qui est aux alentours de plusieurs villes de la région. Donc c'est donc les peuples se sont rendus compte justement de l'impact de ces projets dans l'eau, de la diminution de la quantité d'eau aussi. Donc c'est pour ça que ils ont pris le nom de ils ont pris le nom de Pueblos Unidos, peuple ensemble pour peuple ensemble, peuple uni, peuple uni, oui, peuple uni. Pues decirle que nosotros, por medio de la organización, empezamos como, pues primero fue un pueblo, ahí hicimos una asamblea, después por medio de esa asamblea, pues decidimos invitar a cada población para que fuera formando parte de Pueblos Unidos y para seguir iniciando esta organización que es digna, que es una lucha que llevamos los pueblos originarios desde nuestras comunidades, para defender estos malos proyectos que nos están exterminando nuestro territorio. Proyectos de muerte, como de dices. Muerte, él lo sí, sentía. Sí, sí, sí. Du coup, Marcelina mentionne qu'à travers l'organisation, leur manière de s'organiser, à travers des assemblées, petit à petit, ils ont aussi invité d'autres peuples, d'autres communautés pour lutter ensemble. Et du coup, c'est important de mentionner que c'est une lutte des peuples originaires contre les projets Proyectos de Muerte, les projets qui entraînent la mort, qui entraînent aussi l'extermination de l'environnement. Et pues, spécifiquement, je suis venu ici à ce pays à dénoncer toutes ces entreprises déjà nombradas, que dans ce pays se haga justice, parce que je vois ici que en este país hay normas, hay pues, no sé, sus contratos, cómo se han hecho, ¿verdad? Pero allá Allá por eso es que llegan a nuestra tierra, nos la contaminan, nos roban el agua, nos están exterminando nuestras tierras. Es por eso que yo vengo aquí a hacer el llamado a esta nación a que sus empresas tengan normas y tengan sus permisos bien hechos, y que también, si van a llegar al país, pues qué, que pongan sus plantas tratadoras, porque lo único que hacen es contaminar la tierra y el agua. Du coup, Marceline a dit qu'elle est ici spécifiquement en France pour dénoncer cette entreprise-là qui occasionne ces différents types d'atrocités. De même, elle demande, elle fait un appel à la justice. Elle mentionne aussi qu'en France, il y a des normes, mais là-bas, au Mexique, les entreprises arrivent à leur terre, ça provoque aussi de la pollution, et aussi... Elle mentionne que cette entreprise-là leur vole leur eau, et finalement, cette entreprise-là les vend aussi. Donc elle fait un appel à la nation française pour que ces entreprises respectent leurs normes, mais aussi qu'ils présentent dûment les différents permis pour faire leur projet. Et du coup, elle mentionne que il y a aussi la nécessité d'avoir des plantas, des instruments pour filtrer l'eau dont ces entreprises n'ont pas en ce moment. Et donc en concret, comment on peut aider effectivement? En concret, on sait qu'il y a eu des pétitions, il y a quelque chose qui a été déposé aujourd'hui. ¿Puedes tal vez precisar cómo se puede apoyar? Ya hubo una petición, hubo una acción en la mañana. Te dejo explicarnos, gracias. Pues muchas gracias. Decirle que el día de hoy justamente me fui a parar frente a las instalaciones del grupo Danone, de esta empresa Bonafón. Llevé mis más cerca de 50,000 firmas para pedirle a esta empresa extranjera que quite su planta de las comunidades. Se le trajo la petición, entonces esperemos que nos haga caso. Nosotros ya pedimos completamente el desmantelamiento de esta empresa, a que salga del país. Marcelina voulait aussi nous raconter qu'aujourd'hui, elle a été présente dans le siège de Bonafone pour leur donner une pétition, pour leur faire plusieurs demandes. L'une d'entre elles exigeait le retrait de l'entreprise Bonafone dans leur communauté. Donc cette demande était aussi composée de plus de 150,000 signatures pour exiger justement leur retrait de leur territoire. Y pues muchas gracias. Espero que pues esta empresa haya recibido la escucha, el llamado que se le hizo, y pues muchísimas gracias por haberme escuchado. Agradezco mucho a Vicky de Frecuencia País Plural, CFPP, y al Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en Lucha. Zapata vive, la lucha sigue. Je te laisse traduire, Alma, pour finir. Merci, Marceline a dit merci beaucoup. Elles attendent aussi que cette entreprise aille reçu leurs pétitions et leurs demandes, et qu'ils partent que ce projet parte du pays. Donc finalement, elle remercie beaucoup à Biki, à la radio FPP, et notamment au comité de solidarité pour les peuples du Chiapas. Solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. En lutte du Chiapas. Et finalement, le mot final, c'est Zapata vive, la lucha sigue, Zapata est vivant, la lutte continue. Zapata vive, la lucha sigue. Fuera Bonafón del país de México, fuera el PIN del estado de Morelos, Puebla y Tlaxcala. voilà, dehors d'Annon, de Mexico, et tout précisément de ce projet à Morelos. Merci beaucoup à toi, Marcelina. Et ben, on espère que vous serez attentifs aux éventuelles actions à venir auxquelles on est peut-être susceptible de vous appeler. On continue en tous les cas. Merci à vous. 106.3, la jungle des luttes. On va finir. Je veux juste donc vous appeler à continuer à nous écouter, nous réécouter si vous avez raté l'émission le jeudi matin de 8h à 9h30, le quatrième jeudi. Et on est en direct donc les troisièmes lundis. On a toujours notre blog, la jungle des luttes, où vous pouvez réécouter nos émissions. Et je vous invite donc à venir au CICP mercredi soir et jeudi soir. Il y a une présentation de livres ou encore de films avec les auteurs en direct ou en visio. Et je vous invite à aller jeudi ou vendredi jusqu'au 23 décembre voir cette super pièce et réinventons la tendresse, super touchante, émouvante, très forte et très bel hommage surtout aux jeunes filles qui ont été brûlées vives au Guatemala il y a quelques années dans un pensionnat. Et c'est un très beau spectacle qui justement rend hommage à ces jeunes filles et à la résistance des mères et des sœurs et des femmes en général à travers un travail autobiographique et donc qui donne toute sa dimension à cette pièce et à cet hommage. Merci 106.3, la jungle des luttes. On se retrouve le mois prochain. Merci. Vamos, vamos adelante para que sea.